chanson populaire. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray.

c'è la moda, c'è la e tu. Ici, ça te va. Une lettre forte et tout. Mais si poco di più. E la gomma più, ma tu. Perché tu non ci sei. E mi sto spogliando tu. Quanti anni dai? Ho un lavoro strano e tu. Ma va là, che lo sai. Mi sta da vicino tu. Sei più bella che mai. Ma ci da un minuto tu. Non ne dai, non ne dai. Chi ti ha fatto entrare tu? Chi mi brucia sei tu. E anche la mia marcia in più. Ed un po' di follia. Quanto basta perché tu, come lei, fossi mia. Se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone. Canterò e camminando sveglierò chi sta sognando più di me. Al mondo siamo io e te. Ragazza triste canterò la pioggia perché venga giù. Il vento che si cambi un po'. Il cielo perché sia più blu. E mi sorrida tu. Et des parfums de mes voyages. Je chansons populaires. Bonjour, c'est Christophe Willem sur Mona FM. C'est du qui est au bout du fil, qui appelle au milieu de la nuit. C'est ton ami des heures fragiles. Le confident, je sais rien qu'au son de ta voix, tes yeux mouillés, ton âme en froid. Il fait la pluie, mais moi je suis là pour toi. Je ferai tout et n'importe quoi, sauter les saisons. Si tu veux m'entendre dire, Mais qu'est-ce qu'il a, mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge. Mais qu'est-ce qu'il a, mais qu'est-ce qu'il a, ce type, qui est toujours là, même quand personne le bipe. Oh là là, oui, ses yeux de braise et sa petite fossette au menton. Je n'endors plus, j'en deviens niaise. Oui, je fonds en pamoison, je soupire son nom. Et elle achète des tas de revues pour y découper ses photos. Sur tous nos murs, l'air détendu, on voit sourire le beau cabot. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge. Si encore c'était Clark Gable, autant n'emporterait le vent. Mais je dois me farcir sa belle gueule du donjon toute la journée sur mon écran. C'est quand même mieux que ton football. Occupe-toi, lis ou bien picole. Et si je bois, je réponds plus de moi. Je suis pas plus ménage à trois. Mes pantoufles, mais voilà qu'il réplique aussitôt ma graisse à me laisser sans souffle. Est-ce que mon Georges se permettrait de se laisser aller comme tu le fais? Ah, il a raison, Aznavour, t'es beau à regarder, tu tues l'amour. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à lui faire sortir le cœur par la gorge. Chaque fois que monsieur sort son chef-d'œuvre, faut que je la conduise au cinéma. Pendant qu'il avale ses couleuvres, oh là là, moi je tourne en rond, je fais les 100 pas. T'as qu'à m'attendre dans un bistrot. Ah vraiment, elle me pousse au crime. Je prendrai le dernier métro, puisque je te saoule avec mon film. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge. Et toi, fiche-moi la paix, pauvre pomme. Prends-en de la graine, ça c'est un homme. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges. Tu parles d'une exclusivité, ton super Georges, il est cloné. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, le cœur par la gorge. Mais qu'est-ce qu'il a, ce type, qui est toujours là, même quand personne le bipe. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges. Maintenant, et jetez vos ennuis dans le vague. populaire revient. Mona FM. Johnny Hallyday, enfin de retour sur scène. FM et tentez de gagner vos places pour Johnny Hallyday le vendredi 9 octobre 2015 au Stade Pierre-Mauroy et le coffret de luxe collector de son dernier album Restez Vivant, numéroté et strictement limité. Pour participer, envoyez Mona au 71004. 50 centimes le SMS plus coût éventuel selon opérateur. Règlement sur monafm.fr. Aux agendas, les 6 et 7 décembre, profitez d'un nouveau week-end sympa à Fretin. Cette fois, pour la 17e édition du Salon de la bière et de l'artisanat. Fretin accueille les maîtres brasseurs et artisans et vous invite à les rencontrer et découvrir leur travail. Entrée et dégustation gratuite non-stop entre 10h et 18h. Le Salon de la bière et de l'artisanat à Fretin, salle des sports, rue Alfred Cousin, les 6 et 7 décembre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consomme avec modération. Chanson populaire. She was more like